إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, l'auteur رحمه الله تعالى a ensuite dit: السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله رضي به كفر والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Le septième, c'est-à-dire le septième des annulatifs de l'islam, est la sorcellerie, dont le sarf et le atf, dont nous allons voir la définition par la suite, inshallah. Quiconque la pratique ou l'agrée a mécru. La preuve est sa parole, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, mais il n'enseigne rien à personne avant d'avoir dit « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ceci est donc le septième des annulatifs de l'islam, mentionné par le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala dans cet épître. Et la sorcellerie, c'est un fléau très répandu dans le monde, et ce jusqu'à nos jours. Surtout dans les endroits où l'ignorance règne et que la science authentique est peu propagée. Et ce fléau, il est la cause de nombreux méfaits sur les hommes. Il entraîne par exemple des maladies, des divorces, voire même la mort, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sorcellerie, c'est donc une réalité avérée qui est prouvée par les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que par les faits. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même été ensorcelé et nul ne renie cela, si ce n'est un mécréant. Nous allons donc voir plusieurs questions au sujet de cet annulatif, incha'Allah ta'ala. La première question est: quel est le sens du mot sihr, que l'on a traduit par sorcellerie? Dans la langue arabe, le mot sihr, il désigne tout ce qui est mystérieux et tout ce dont la cause est secrète ou cachée. C'est pour cela, à titre d'exemple, que le repas qui est pris avant l'aube, lorsqu'on jeûne, il est appelé sahur, car il échappe à l'attention et au regard. Il passe inaperçu. De la même manière, la fin de la nuit, elle est appelée sahar, car le jour y fait son apparition petit à petit, et ce, dans l'obscurité de la nuit. Ceci est donc le sens du mot sihr dans la langue arabe. D'un point de vue religieux, les gens de science ont mentionné de nombreuses définitions qui varient les unes des autres. Et ce, car les domaines de la sorcellerie, ils sont très vastes en réalité. Et certains parmi les gens de science, ils ont défini le sihr comme étant tout ce qui produit un effet sur les corps ou les cœurs, comme incantations, formules, nœuds sur lesquels on souffle, amulettes et talismans, dont l'objectif est de porter atteinte à la personne ensorcelée. Et ceci en réalité est la définition d'une des catégories de sorcellerie. Car celle-ci se divise en deux catégories, et c'est ce que nous allons voir maintenant, Inch'Allah, dans la deuxième question. Quelles sont les catégories de sorcellerie? D'un point de vue général, la sorcellerie, elle se divise en deux catégories. La sorcellerie réelle et la sorcellerie illusoire. La sorcellerie réelle, c'est celle que l'on vient de définir. On a dit donc qu'elle a un effet sur les corps et sur les cœurs. Elle agit sur les corps par la maladie, par exemple, qu'elle soit physique ou mentale. Ou même elle peut agir sur les corps par la mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et elle peut aussi agir sur l'esprit, de sorte à ce que la personne, elle s'imagine faire des choses, par exemple, alors qu'elle ne les fait pas, ou autre action similaire à cela. Cette sorcellerie, elle agit également sur les cœurs, de sorte à faire éprouver à la personne de l'amour ou de l'aversion de manière anormale, que ce soit pour une chose ou pour une personne. Et c'est celui-ci que le Cheikh, rahimahullah, il a cité ici en exemple quand il a dit « dont le sarf et le atf ». Le sarf et le atf, ce sont deux types de sorts qui consistent respectivement à séparer ou à unir deux personnes. Donc le sarf, il désigne un sort de séparation. Il a pour but, par exemple, d'éloigner un homme de son épouse ou inversement. L'homme ensorcelé, il ressentira alors une aversion anormale pour son épouse. Il se peut même qu'elle apparaisse à ses yeux sous une apparence déplaisante qui ne correspond pas à la réalité. Il se peut aussi qu'il ressente un malaise ou un mal-être en la présence de son épouse, ou qu'il sente des odeurs désagréables, et tout ceci est l'effet du sihr, qui a pour but de les éloigner l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils se séparent, wal'iyadu billah. Ceci est donc le sarf, qui est un sort de séparation. Quant au atf, c'est l'inverse, c'est un sort d'union. Il agira donc de façon opposée, de sorte à ce qu'un homme aime une femme de façon anormale et inversement. Ces deux types de sorts, donc, ils sont réels et ils sont parmi les plus répandus dans les sociétés. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il les a cités ici comme exemple. Et la pratique, l'agrément et même l'apprentissage de ce type de sort est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, comme on va le voir, inshallah ta'ala, à travers le verset. Le deuxième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie illusoire. Et c'est celle qui agit seulement sur la vue, sur les yeux de la personne ensorcelée. Elle lui fait voir des choses contraires à la réalité, mais ce de façon fictive. Ce n'est donc qu'une illusion et ce n'est pas réel. Et c'est ce type de sorcellerie qui était pratiqué par les sorciers de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 116 de Sourate Al-A'raf: فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Puis lorsqu'ils ont jeté, c'est-à-dire leurs bâtons et leurs cordes, ils ensorcelèrent les yeux des gens. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ils ensorcelèrent des gens, mais il a précisé, il a dit ils ensorcelèrent les yeux des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi au verset 66 de Surat Taha: فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur sorcellerie, comme si c'était des serpents. Mais ceci était une illusion pour les gens. C'est pour cela que lorsque Moussa alayhi salam, il jeta son bâton et que celui-ci se transforma réellement en serpent immense qui dévora tout ce qu'ils avaient fait comme illusion, alors les sorciers, ils ont eu peur et ils ont tout de suite compris que cela ne pouvait pas être l'œuvre d'un être humain, mais que cela ne provenait que d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils se sont jetés prosternés et qu'ils ont dit: nous croyons au Seigneur de Harun et Moussa. Et ce type de sorcellerie, donc, il est interdit, comme le prouvent les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est aussi de la mécréance majeure, comme l'ont mentionné les gens de science. La troisième question est: quelle est la preuve que la sorcellerie est de la mécréance? L'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ici que la sorcellerie est de la mécréance en s'appuyant sur un passage du verset 102 de Sourate Al-Baqarah. Ce verset, il traite de ce que les diables racontaient sur le règne de Suleyman, alayhi salam. Comme vous le savez, le prophète Suleyman, alayhi salam, il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un royaume que nul autre après lui n'aurait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé des choses immenses. Et parmi ces choses, il a mis à son service les djinns ainsi que les diables. Et ils accomplissaient pour lui de lourdes tâches, des choses difficiles. Ainsi, lorsque Suleyman alayhi salam est mort, les diables, ils ont calomnié Suleyman en prétendant qu'il n'avait pu obtenir ce royaume et avoir les djinns et les démons à son service que par la pratique de la sorcellerie. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a innocenté son prophète Suleyman alayhi salam de cette calomnie forgée par les diables et qui fut ensuite reprise par les juifs. Et ce verset, il nous prouve que la sorcellerie est de la mécréance à cinq endroits. Premièrement, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Suleyman n'a jamais mécru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il innocente Suleyman de cela. C'est-à-dire, Suleyman n'a jamais pratiqué la sorcellerie. Et donc, la sorcellerie est de la mécréance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Mais les diables ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc ce passage, il nous prouve que le fait d'enseigner la sorcellerie, c'est aussi de la mécréance. Et que ceci fait partie des enseignements des diables, et non pas des enseignements des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Le troisième passage, C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Mais ceci, c'est-à-dire les deux anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés pour éprouver les gens, pour les mettre à l'épreuve, en leur proposant de leur apprendre la sorcellerie. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne avant de leur dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » C'est-à-dire, n'apprends pas la sorcellerie, car si tu apprends la sorcellerie, alors tu seras mécréant. Ceci nous prouve que le simple fait d'apprendre la sorcellerie, c'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam, même si la personne elle ne la met pas en pratique. Le quatrième passage, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ils savent avec certitude que celui qui acquiert cela, c'est-à-dire la science de la sorcellerie, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Et qui est celui qui n'a aucune part dans l'au-delà? Qui est celui qui est privé du paradis? Il n'y a pas de doute que c'est le mécréant. Il n'a aucune part du paradis. Donc ceci nous prouve également que la sorcellerie est de la mécréance qui prive de l'entrée au paradis. Enfin, le cinquième passage, il est dans le verset suivant, au début du verset suivant, le verset 103. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. S'ils avaient eu la foi et fait preuve de piété. Ceci nous prouve que la sorcellerie, elle s'oppose à la foi et à la piété. Donc celui qui l'apprend, l'enseigne ou la pratique, il a certes quitté la foi pour la mécréance et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ce verset que la sorcellerie est de la mécréance, de même que l'apprentissage de la sorcellerie ainsi que son enseignement. Et ceci sans parler du fait que le sorcier, il ne peut pas pratiquer sa sorcellerie sans accomplir différents actes de mécréance et de polythéisme pour satisfaire les diables, comme le fait de souiller le mushaf, ou encore d'immoler des bêtes pour les diables, ou autres actes de mécréance et de polythéisme. Et il reste ici un point lié à cette question qui concerne la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, qui a dit « Quiconque pratique la sorcellerie ou l'agrée a mécru. » C'est-à-dire que celui qui agrée la sorcellerie, qui la tolère, l'accepte et en est satisfait, celui-ci aussi l'a mécru, car il a agréé la mécréance. Et le fait d'agréer la mécréance, c'est aussi de la mécréance, comme on l'a vu dans le précédent annulatif, au sujet de ceux qui ont écouté cet homme se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et également, on trouve dans le verset 140 de sourate An-Nisa qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Sinon, vous serez comme eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a jugé que celui qui agrée la mécréance, qui est présent dans une assise, où on se moque des versets d'Allah, où on renie les versets d'Allah, et qui ne quitte pas cette assise, et ne condamne pas les personnes qui se raillent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, il est comme eux, même s'il n'a prononcé aucune parole. Donc de la même manière, celui qui agrée la sorcellerie, il n'a pas appris la sorcellerie, il ne l'a pas pratiquée directement non plus, mais il l'a agréée, en a été satisfait. Et par cela, il est sorti de l'islam. À l'exemple de celui ou de celle qui se rend chez un sorcier, lui demandant par exemple d'ensorceler son conjoint. Alors celui-ci, il a agréé la mécréance et il est ainsi sorti de l'islam. De plus, bien souvent le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à cette personne d'accomplir des actes de mécréance et de polythéisme. Il lui demandera par exemple d'égorger une poule et de l'abandonner à tel endroit, dans un terrain vague ou autre. Et ceci est du polythéisme. C'est un sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que cette affaire, elle est très dangereuse. Elle n'est pas à prendre à la légère. Et malheureusement, ceci est très propagé parmi les gens qui s'affilient à l'islam, et ce jusqu'à nos jours. La quatrième question que l'on va traiter dans cette assise, et qui est liée à cet annulatif, c'est comment guérir de la sorcellerie. Nombreux sont ceux qui sont touchés par ce fléau, comme on l'a dit, notamment dans les sociétés où l'ignorance est propagée, où la science authentique, la science du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, est peu enseignée et peu propagée. De ce fait, le nombre de ces charlatans et de ces sorciers augmente, et le nombre de leurs victimes augmente également. Donc la première chose à faire tout d'abord, c'est de te prémunir de cela, et ce en étant constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car combien de personnes se plaignent d'être atteintes par ces maux, mais tu les vois plonger dans les péchés à longueur de journée. Ainsi, ils s'exposent eux-mêmes à nombre de méfaits, tels que la sorcellerie, le mal des diables, le mauvais œil ou autre. Donc la première chose à faire, c'est que tu fasses les causes pour te prémunir, en étant constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant lui seul exclusivement, en dehors de tout autre que lui, en étant assidu dans tes prières, en donnant la zakat, en jeûnant, etc., en vouant différentes sortes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces adorations qui sont très importantes et qui préservent de ces maux, il y a les évocations, al-adhkar, et notamment les évocations du matin et du soir, ainsi que celles avant de dormir, au réveil, en sortant de chez toi, en rentrant chez toi, et ainsi de suite. Toutes ces évocations, elles sont très importantes. Et elles te permettent, bi-idhnillah, d'obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc être assidu dans ces évocations, matin et soir, pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir sa récompense et ainsi être protégé de nombreux maux qui peuvent toucher la personne. Deuxièmement, si la personne a été atteinte par un de ces maux, alors elle peut se soigner par la ruqya. Et la ruqya, il ne faut pas penser qu'elle demande de nombreuses connaissances particulières. Mais il suffit à la personne d'être croyante, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de tout simplement réciter Suratul Fatiha ou alors les trois dernières sourates du Coran, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq et Suratul Nas. Tu les récites et tu les répètes, ainsi que les invocations rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux faire cela toi-même sur ta propre personne. Ce n'est pas une condition, comme beaucoup de gens le pensent aujourd'hui, de faire venir un raqi. Tu n'as besoin de personne. À partir du moment où tu connais ces sourates, tu les récites toi-même sur ta propre personne. Et bi-idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera la guérison. Bien sûr, si quelqu'un parmi tes frères et sœurs souhaite te venir en aide et te soulager et participer à cela, alors celui qui peut profiter à son frère, qu'il le fasse. Il lui lira le Coran, il lui lira Surat al-Fatiha, il lui lira les trois dernières sourates du Coran et les invocations rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si la personne a la foi forte, qu'elle fait les efforts pour être assidue dans ses adorations et qu'elle place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout en faisant les causes légiférées, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la guérison par sa permission. De la même manière qu'aucun mal ne peut te toucher sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucun mal ne peut disparaître sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il est important de souligner qu'il est interdit de guérir la sorcellerie en se rendant chez les sorciers pour leur demander un autre sort. En effet, si la personne se rend chez un sorcier en lui demandant d'annuler un sort, alors elle s'associe ainsi au sorcier dans la mécréance et elle agrée la pratique de la sorcellerie et elle tombe ainsi dans cet annulatif de l'islam. Donc il faut prendre garde à cela. Ceci est interdit et c'est de la mécréance, sans aucun doute, comme l'ont mentionné les gens de science dont les paroles sont prises en considération. Donc la personne, pour se guérir, elle accomplit la ruqya sur elle-même en s'entraidant des personnes pieuses qu'il y a autour d'elle. Et il n'y a pas besoin de faire venir une personne soi-disant spécialisée, comme ils le prétendent aujourd'hui en ouvrant des cliniques spécialisées dans la ruqya, en consacrant leur temps à faire la ruqya et bien souvent dans le but de soutirer les biens des musulmans, de profiter de la faiblesse des malades. Et ceci a de nombreux méfaits. En plus d'être contraire à la voie des salafs, rahimahumullahu ta'ala, qui n'ouvraient pas ce genre de clinique spécialisée, ceci a comme méfait le fait que le malade lie son cœur au raqi. Et ceci s'oppose à la perfection du tawhid. C'est-à-dire que nombre de malades, ils pensent que ce raqi est plus efficace qu'un autre. Et ceci nous montre un attachement du cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela s'oppose à la perfection du tawhid. Il faut donc prendre garde à ce genre de choses et s'éloigner de cela. Mais la personne, elle lie son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Et elle accomplit les causes légiférées tout en se remettant à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à ses causes. Ceci était donc quelques points liés à cet annulatif. Le sujet est bien vaste. Il y aurait de nombreuses questions qui pourraient encore être abordées. Mais peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de les aborder dans le chapitre de la sorcellerie lors de notre étude de Kitab al-Tawhid, incha'Allah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.